Chapitre 3e, où l'énigme se pose. Assassiné ? S'écria Fouinard. Et vous dites en avoir la preuve ? Indiscutable, vous dis-je. Comme vous l'avez si justement déduit des faits que je vous ai racontés, j'ai conservé dans une cachette, ignorée de tous, cette tête qui pour moi était un trésor de douleur et d'amour. Je la laissais reposer sur son oreiller de satin. Je la posais devant moi, sur mon bureau. Je lui parlais. Il me semblait qu'elle me répondait. Par une sorte d'hallucination que je provoquais moi-même, j'entendais sortir de ses lèvres des conseils affectueux qui me guidaient dans toutes les circonstances de ma vie, et cette union, par-delà la mort, m'emplissait d'un trouble délicieux et indicible. Souvent je caressais de mes doigts les touffes de sa chevelure, mais avec quel respect, quelle délicatesse, vous le pouvez deviner. Il y a 2 jours, pendant la soirée, ayant à méditer longuement sur une opération difficile, dangereuse, que je devais faire hier matin à l'hôpital Magendy, j'avais comme d'ordinaire posé auprès de moi la caisse de maroquin qui est là, et je l'avais ouverte. J'avais enlevé le sachet et tout en réfléchissant, je regardais ce doux et beau visage, j'étais comme intrigué par ce regard. Il me semble en vérité que je n'étais pas maître de ma volonté ni de mes actions, et qu'une force intime, irraisonnée, me contraignit à faire ce que j'ai fait. Ma main se posa sur la chevelure de ma femme, et par un geste lent que je ne songeais pas à réprimer, mes doigts peu à peu pénétraient dans la masse de ses cheveux, dont le contact me procurait une sorte d'ivresse, et mes doigts peu à peu gagnaient du terrain et arrivèrent au sommet du crâne. C'était un glissement très doux. Tout à coup, mon doigt médius, qui était en avant, ressentit un léger choc, comme d'un obstacle rencontré. Nos doigts de praticien sont, vous le savez, d'une sensibilité extrême. L'obstacle n'avait pas suffi à arrêter la progression de mon doigt, qui était passé par-dessus. Je l'y arrêtais et je tâtais. Il y avait bien quelque chose de très peu saillant, mais qui cependant était étranger à l'ossature du crâne. Saisi d'une curiosité pleine d'angoisse, je tirai la tête de sa gaine, la posai devant moi. Mes doigts ne tremblaient pas, j'avais retrouvé ma main de chirurgien. J'écartai les cheveux et mis à nu la place recherchée. Et savez-vous ce que je trouvais ? La tête plate d'un clou qui avait été enfoncé là, qui avait perforé la voûte osseuse et pénétré dans le cerveau, provoquant la mort instantanée, foudroyante. Je restai pendant quelques instants inerte, incapable de faire un mouvement. Mais cette lâcheté fut courte. Je m'armai d'une pince et, pesant sur le crâne, j'arrivai à extraire le clou meurtrier, le clou assassin. Et le voici, regardez. Il tira de sa poche une petite boîte longue dans laquelle se trouvait, dans de la ouate, un clou droit de 5 cm de long, de ceux que l'on appelle des pointes et dont se servent les emballeurs ou les menuisiers. Sa partie inférieure était rouillée. Évidemment, il avait pénétré et séjourné longtemps dans un milieu organique. Fouinard le prit dans sa main et le considéra attentivement. « Vous avez retiré, fit-il d'un ton interrogatif, le clou de la tête que voici. Peut-être croyez-vous que je suis en proie à quelque hallucination prolongée? Regardez vous-même. Voici, j'écarte les cheveux de la morte. Voyez ce trou qui, la nature n'opérant plus de resserrement, est resté maintenant du calibre de l'engin que j'en ai retiré. Enfin, pour vous prouver que je jouis de tout mon bon sens et que mon imagination n'est en rien ma collaboratrice, repoussez vous-même le clou dans l'ouverture. Je vous demande pardon, mais je ne puis regarder. » Fouinard avait des nerfs d'acier. Tandis que le docteur Tozan tournait le dos, les mains au visage, il approcha le clou du crâne mort, présenta la pointe au petit trou béant et poussa. Le clou entra tout entier, ce qui prouvait la perforation de la voûte crânienne, à peu près au point que les craniologues désignent par le mot bregma, où se trouve la fontanelle chez les enfants nouveau-nés. Naturellement, la mort avait suspendu tout travail de régénération des tissus. Fouinard savait assez d'anatomie pour ne s'y point méprendre. Il avait songé tout d'abord que toute cette histoire de clou n'avait d'existence que dans l'imagination du docteur. « J'ai vérifié, docteur, fit-il, ce clou a bien été enfoncé. Donc il y a eu crime. C'est fou, c'est invraisemblable. Mais pendant la nuit maudite, il faut que quelqu'un se soit introduit dans la chambre de ma femme, l'ait surprise profondément endormie et armée d'un marteau, ait enfoncé d'un seul coup le clou dans sa tête. Pas un cri, pas une goutte de sang, le cerveau perforé, tué d'une seule blessure, et je n'ai rien entendu, rien deviné. » Fouinard réfléchit un instant. « Docteur, avant tout, je vous demande la permission de vous adresser une question qui va vous frapper d'horreur. Mais nous sommes des hommes et non point des enfants. Je pressens la demande que vous m'adresserez tout à l'heure, mais il y a une question en quelque sorte préalable. Interrogez-moi, et je vous jure que je vous répondrai en toute sincérité. » Est-il un moyen scientifique de prouver que ce clou a été enfoncé dans cette tête pendant la vie de l'individu ? Je ne comprends pas bien. Supposez, reprit Fouinard, qu'un homme très sensible, un peu névrosé, se trouvant dans cette situation rare d'avoir sous ses yeux, auprès de lui, une tête morte, ait été poussé en une heure d'hallucination, de folie, à commettre lui-même un acte sacrilège. Le docteur Tozan poussa un cri. Quoi ? Vous pourriez supposer que moi-même, étant ivre ou fou, j'aurais commis, post-mortem, cet acte abominable ? La folie passagère ne raisonne pas. Eh bien, monsieur, je vais vous répondre nettement. Les réactifs chimiques vous prouveraient à l'évidence que le sang qui a laissé des traces sur ce clou était vivant, absolument vivant. J'avais besoin de ces affirmations, dit Fouinard. J'admets, quant à présent, votre version. Cette pauvre femme a été assassinée, par un moyen bizarre, en quelque sorte inédit, à deux pas de votre cabinet pendant que vous travailliez. Il faut donc, premièrement, que l'assassin soit un de vos familiers qui se trouva dans votre maison à 1 ou 2 heures du matin. Deuxièmement, ou qu'il ait pu s'y introduire sans être vu. Troisièmement, qu'il soit entré dans la chambre de votre femme et ait pu, sans éveiller l'attention de quiconque, commettre son épouvantable forfait. Donc, il y a eu crime, c'est admis. Qui a pu commettre ce crime ? Qui l'a commis ? Et c'est là ce que je veux savoir, s'écria le docteur avec un éclat de voix. Depuis cette découverte épouvantable, je suis en proie à des affres atroces. Je ne pourrais vivre avec cette angoisse. Oui, je veux savoir. Quel que soit le coupable, si proche de moi fut-il, je veux le connaître. Pour le livrer à la justice ? Ah, ne m'interrogez pas. Est-ce que je le sais ? Mais de toute façon, si je découvre le criminel, soyez certain que ma pauvre Lucille sera vengée. Soit. Et que me demandez-vous ? De prendre en main cette hideuse affaire, d'employer tout moyen pour arriver à la découverte de la vérité. Ce n'est pas une demande, c'est une supplication que je vous adresse. Donnez-moi quelques détails. Donc, vous êtes veuf ? Avez-vous des enfants ? Non, répondit le docteur d'une voix ferme. Vous vivez seul. C'est la cousine de ma femme, fille de l'excellente femme qui l'avait élevée, qui tient ma maison. Est-elle mariée, veuve, célibataire ? Quel âge ? 28 ans. Jolie ? Elle ressemble à sa cousine. Elle a cette même expression de charme et de bonté. Mais elle est moins finée. Ce n'est pas la femme supérieure qu'était Lucille. Elle ne demeure pas chez vous ? Non, non. Elle habite la maison voisine avec sa mère, qui est presque impotente. Au moment de la mort de votre femme, qui habitait chez vous ? Chez nous, personne. Madame Valadier, ma voisine et sa tante, étaient notre seule intime avec ses deux enfants, Berthe et Gustave. Du moins celui-ci, le fils, ne venait que rarement. Madame Valadier, à cette époque, était paralysée et ne bougeait pas de chez elle. Et comme domestique, des gens de toute confiance que j'ai gardés à mon service. Où demeurez-vous ? Au Péreux, à côté de Nogent-sur-Marne, dans un petit château sur le bord de la Marne. Fouinard garda quelques instants le silence. Il ne voulait pas se l'avouer à lui-même, mais il se sentait repris par la passion du mystère. Déjà, ce crime étrange, inexplicable, le passionnait. Pourtant, ce fut du ton le plus froid qu'il répondit enfin. « C'est entendu, j'essaierai. »« Ah, monsieur, ma reconnaissance. »« Attendez que je l'ai mérité. »« Je ne sais encore quel moyen j'emploierai. »« Il faut d'abord que j'aille chez vous, que j'étudie les êtres. »« Ma maison vous est ouverte. »« Oui, mais je reste juge des moyens de m'y introduire. »« Il est bien entendu que, quoi que je fasse, quelques incidents que je provoque, vous ne me contrarierez en rien. »« Je vous obéirai aveuglément. »« Encore un mot. » Préparez-moi, je vous prie, sur toutes les personnes amies ou domestiques qui avaient accès chez vous au moment du crime, des notes bien complètes. Date de naissance, lien de parenté, détails caractéristiques. Que ce soit court, mais très précis. Demain, à quelle heure serez-vous chez vous ? Je vais à l'hôpital. Je fais quelques visites. Je serai au Péreux à 4 heures. Vous arriverez en auto ? Eh bien, écoutez-moi. Il faut qu'à 4 heures précises, vous entendez bien, précises, l'exactitude est importante, et vous allez régler votre montre sur la mienne. Vous arrivez sur la berge. Je serai exact, je vous le promets. C'est bien, monsieur Tozan, vous avez ma parole. Vous pouvez compter sur moi. Je me fie à votre intelligence et à votre discrétion. Que je vous garantis, sauf vis-à-vis une seule personne. Et qui donc ? Monsieur le préfet, vous adressez à moi. J'accepte une mission pour laquelle je n'ai et ne puis avoir aucun mandat officiel, soit. Mais je ne puis ni ne veux me faire le complice de qui que ce soit. S'il y a un criminel, j'entends que l'autorité compétente, représentée en l'espèce par le préfet, soit informée du résultat de mes recherches. Puisque vous l'avez fait votre confession, vous ne pouvez refuser de souscrire à cette condition. vous avez raison, je l'accepte. À demain donc, 4 heures précises, je ferai pour le mieux. Voulez-vous que j'envoie mon auto vous chercher? Inutile, il y a des chemins de fer, des tramways et ma bicyclette. Mais je vous demande pardon d'aborder cet ordre d'idées. Je dois vous dire que je suis presque riche, et que pour arriver à la découverte de la vérité, il n'est pas de sacrifice. Très bien, on causera de cela plus tard. Là-dessus, docteur, rentrez chez vous, avec votre triste fardeau. À demain. Fouinard resta seul. L'affaire est curieuse, très curieuse, murmura-t-il. Qui diable a pu avoir intérêt à tuer cette pauvre femme? Qui diable a pu imaginer ce moyen si habile et si lâche? La cousine? C'est peut-être trop vraisemblable pour être vrai. Pas d'hypothèse, on cherchera. Fouinard regarda l'heure. Il était près de 10 heures. « Bon, couchons-nous, se dit-il. Le demi-sommeil porte conseil. » Puis tout à coup, se frappant le front, « Sapristi, je n'y pensais pas, mais je n'ai pas le sou. Diable, diable. Ma première affaire m'a bien coûté 100 francs, que personne ne m'a remboursé, sinon en monnaie d'éloge. La seconde, j'ai déboursé tout juste 43 francs qui me sont restés pour compte. Mais enfin, je les avais, tandis que maintenant... » Il tira son porte-monnaie. 8 francs 55 centimes, c'est plus que mou. Il me faut en complet propre 49 francs. Des bottines, car les miennes gondolent comme les petits bateaux de Venise, et en plus prennent l'eau. Et un chapeau. Un melon frais, sans côte ni pépin. J'ai eu tort de m'engager à la légère. Comment vais-je faire? Tout en parlant, il se déshabillait. Il tira de son gousset l'oignon de nickel qui lui servait de montre et le posa sur la cheminée. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il apercevait sur le marbre un petit portefeuille de peau rouge. « Ce n'est pas à moi, ça. Tiens, ce serait mon bonhomme à la tête qui l'aurait oublié, voyons. » Il l'ouvrit. Il y avait à l'intérieur un billet de 1000 francs et une carte, celle du docteur avec ses mots au crayon, pour les premiers frais. Le cas parut épineux à Toto, qui jugea à propos de consulter sa confidente, Justine, sa canne, qui avait assisté à ces scènes macabres avec une discrétion méritoire. « Hé, petite Justine, » fit-il, le regard fixé sur le bec de la canne. « Qu'est-ce que tu en penses ? Ça m'embête de faire ce métier-là pour de l'argent. Et pourtant, si je crevais de faim, à quoi servirait ma jugeote ? Tu es de mon avis. Faut accepter. Oui ? J'accepte. Tu dis ? À la condition de ? Parfaitement. Je rendrai le surplus des dépenses. Nous sommes d'accord. » Et Fouinard se coucha et s'endormit après avoir prononcé le mot des grands politiques. « À demain, les affaires sérieuses. »